Fin de la fable 20, testament expliqué par Ésope. Fin des fables de La Fontaine, livre second. Cet enregistrement fait partie du domaine public.